parce que vous devrez justifier, que ce soit dans le CPM ou dans le mémoire, le recours à la méthodologie de recherche que vous aurez utilisée. D'accord ? Donc c'est pas, là encore, c'est pas à voir comme un exercice de je sais faire ou pas les entretiens, c'est vous donner l'occasion d'en faire au moins une fois pendant votre mémoire, pour vous ceux qui en font pas après. Et c'est l'occasion aussi de fouiller un peu votre sujet. Donc pour ceux qui vont par contre faire des entretiens, vous pouvez vous en servir comme entraînement, justement. Tester un lead, ou, etc. Donc ce à quoi vous devez faire attention, c'est qu'il faut que la. Les questions que vous allez bâtir, les personnes que vous allez interviewer, elles doivent être cohérentes par rapport à la problématique que je vous ai passée et par rapport au cadre théorique que vous allez lister. Il faut bien dire entre les deux. Si vous me présentez une problématique sur une chose, que vous allez faire vos entretiens juste pour faire vos entretiens, ce n'est pas l'objectif de l'exercice, c'est que vous avez vraiment un lien. Oui. Est-ce qu'on peut se concentrer sur la personne ensemble, si vous avez une heure? Non, que ce soit deux situations d'entretien à part. C'est vrai, je crois qu'il faut le faire aussi. Donc, a priori, on vous suggère de privilégier des entretiens en face à face, donc nous avec un interprété. S'il y a des situations comme on l'a dit tout à l'heure, si la personne elle arrive avec quelqu'un d'autre et elle vous dit ben voilà, il y avait mon voisin, mon cousin, mon collègue, c'est très intéressant, etc. Vous pouvez en profiter à ce moment-là. Mentionner une personne interne, mais a priori, on vous refuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande parce qu'on préfère en fait que vous meniez des entretiens comme un. De pouvoir observer vraiment l'interaction en fait, de personne à personne. Donc entre vous, entre les biais potentiels que vous avez trouvés, entre les relances que vous allez faire, etc. Sachant que ces techniques-là, de relance, de reformulation, de recentrage, on fera un point d'entre les vues de la séance prochaine. Puisque ce sont des choses que vous devrez aussi mentionner dans votre rapport. Rappelez justement que vous avez géré des situations. 30 à 60 minutes. 30 à 60. 30 à 60 minutes. Et c'est un poquito de masse. Oh la pauvre. Oh mais des gens c'est pas. Non mais il n'y a plus de respect ici. C'est juste. Bon ben elle pourrait finir.